cœur m'inspire la route que je prends face aux doutes. Les gens qui s'aiment se retrouvent seuls, mais dans la main. Pour tout tenter toujours, dévoué à l'amour que je lui porte, je reste plus fort, fort. La la, c'est un jour à dédiquer un layo, sous doyo, tellement aller, comme un bébé, l'amour. Nous avons fait.